إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous continuons aujourd'hui la lecture des hadiths au sujet de la sincérité et l'intention mentionnée par Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dans le premier chapitre de son livre « Les jardins des vertus ». Il a dit rahimahullah « Wa an Abi Huraira, Abd al-Rahman ibn Sakhr, radiyallahu anhu qal » D'après Abu Huraira, Abd al-Rahman ibn Sakhr, qu'Allah l'agrée, « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum, wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. » Certes, Allah ne regarde pas vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Rawahu Muslim, rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à prendre soin de la situation de nos cœurs, en corrigeant nos intentions et en veillant à purifier nos cœurs de tout ce qui pourrait les souiller parmi les caractéristiques blâmables. En effet, comme on l'a vu dans les cours précédents, la validité et l'acceptation des œuvres du corps repose sur ce qui se trouve dans le cœur. C'est pour cela que nous avons dit que la priorité pour le croyant doit sans cesse être de veiller à la pureté de son cœur, veiller à être sincère dans ses paroles et dans ses actes, et prendre garde à tout ce qui s'oppose à la sincérité, comme l'ostentation, la recherche des éloges et des compliments, la recherche de notoriété et de gloire auprès des gens. Et ainsi de suite, parmi les choses qui pourraient être la cause du rejet de tes œuvres, et que tes œuvres soient réduites en poussière, wal'iyadu billah. Malheureusement aujourd'hui, beaucoup sont ceux à accorder une grande importance aux apparences. Surtout à notre époque où on voit les gens se concurrencer à ce sujet, que ce soit en ce qui concerne l'apparence physique, ou l'apparence vestimentaire, ou l'apparence de leur voiture ou de leur domicile, et ainsi de suite. Au point même parfois d'user de ruses, de tromperies, comme avec les moyens modernes, avec les filtres ou je ne sais quoi, pour enjoliver leurs apparences. Et est-ce que cela est profitable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala? La réponse est que ceci ne leur est d'aucun profit auprès d'Allah. Bien au contraire, la plupart du temps, ils ne font par cela qu'accumuler des péchés et des mauvaises actions. Surtout s'ils s'exposent de manière interdite, en dévoilant ce qui n'est pas permis de dévoiler, en s'exposant d'une manière de laquelle il n'est pas permis de s'exposer, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux ou autres. Et on ne parle même pas ici de la corruption que cela engendre, mais simplement de cette concurrence dans les apparences. Et où sont ceux qui cherchent à se concurrencer dans la pureté de leur cœur? Où sont ceux qui cherchent à se concurrencer dans les bonnes intentions? Où sont ceux qui cherchent à se concurrencer sur le bien, sur la piété et les bonnes actions? Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit dans son livre? Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Oh, vous les gens, nous vous avons créés d'un homme et d'une femme. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus. Pourquoi? Afin que vous vous reconnaissiez. Ensuite, il dit, subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Et certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. C'est lui le plus noble auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le plus noble, ce n'est pas celui qui a le plus beau physique. Ce n'est pas celui qui a les plus beaux vêtements. Ce n'est pas celui qui a la meilleure lignée ou le plus haut rang social, ce n'est pas celui qui a la plus belle voiture, ou la voiture la plus luxueuse, ou la plus grande maison, non. Le plus noble auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus pieux. Celui qui craint le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui fait le plus d'œuvres de bien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui s'écarte le plus de la désobéissance à Allah et des mauvaises actions. Celui dont le cœur est le plus pur. Et médite par quoi Allah subhanahu wa ta'ala termine ce verset. Inna Allaha alimun khabir. Certes, Allah est alim. Il sait parfaitement toutes choses. Il est omniscient. Et il est khabir. Il connaît parfaitement toutes choses. C'est-à-dire qu'il sait parmi ses serviteurs qui d'entre eux a un cœur pur, qui d'entre eux le craint, qui d'entre eux fait preuve de piété, en secret comme en public. Et il sait également celui qui agit de manière contraire à cela. Et il rétribuera chacun en fonction de ce qu'il mérite. Et pour ce faire, Allah subhanahu wa ta'ala regarde nos cœurs. Il ne regarde pas si nos corps sont forts, sont grands, sont faibles, sont en bonne santé ou malades. Il ne regarde pas nos apparences, notre physique. Est-ce que celui-ci est beau, est-ce que celui-ci est moche? Non. Tout ceci n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même que la lignée, de même que le rang social, de même que la richesse, Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde rien de cela. Mais le lien qu'il y a entre Allah subhanahu wa ta'ala et ses créatures, il est par la piété. Plus la personne est pieuse, plus la personne est vertueuse, plus il est proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus il est noble auprès d'Allah. Donc si tu sais cela, tu comprendras que nul parmi nous n'a aucune raison de se vanter, ni de s'aligner, ni de son origine, ni de son apparence physique, ni de sa taille, ni de son poids, ni de sa couleur, ni de sa richesse, ni du nombre de ses enfants, ni de sa maison, ni de sa voiture, ou toute autre chose semblable. Car toutes ces choses n'ont aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé la piété, alors ceci est une grâce immense pour laquelle tu dois faire preuve de grande reconnaissance envers ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala regarde nos cœurs. C'est sur ce qu'il y a dans ton cœur que repose la validité de tes œuvres. C'est sur ce qu'il y a dans ton cœur que repose ta rétribution dans l'au-delà. Comme on l'a vu dans le premier hadith, les actes ne valent que par les intentions. Et chacun aura ce dont il a eu l'intention. Combien de personnes en apparence font des œuvres qui paraissent être des œuvres de bien, qui ont une apparence de personnes vertueuses, mais qui en réalité ont un cœur corrompu? Leurs œuvres sont alors en réalité corrompues et rejetées par Allah subhanahu wa ta'ala. Car la base c'est l'intention. Et on a déjà mentionné l'exemple de deux hommes qui pourraient prier l'un à côté de l'autre, dans le même rang de prière, derrière le même imam, en prononçant les mêmes paroles et en faisant les mêmes gestes. Pourtant, la différence qu'il y a entre la prière de ces deux-là est comparable à la distance qui sépare le ciel de la terre. Pourquoi? Car ce qu'il y a dans leur cœur est différent. L'un d'entre eux a un cœur distrait. Il se peut même qu'il fasse de l'ostentation dans sa prière, wal'iyadu billah, ou qu'il recherche à travers cette prière un bien mondain, qu'il prie par hypocrisie ou autre mauvaise intention. Alors que l'autre a un cœur présent. Et il ne recherche à travers sa prière que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa satisfaction et son agrément. Et il veille à prier en suivant dans sa prière la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc la différence entre les deux est une différence immense. Et qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Ce qu'il y a dans leur cœur. Donc ta rétribution au jour de la résurrection, elle dépendra de ce qui se trouve dans ton cœur. Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans son noble livre « Innahu ala raj'ihi laqadir, yawma tubala sarair » Allah est certes capable de le ressusciter, de ressusciter l'homme, le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Le jour où ce qui se trouve dans les cœurs sera mis au grand jour. Au jour de la résurrection, tu ne seras pas jugé sur ton apparence, mais tu seras jugé par ce qui se trouve dans ton cœur. Il est donc obligatoire pour l'homme de purifier son intention et de purifier son cœur. Examine ton cœur avant de te faire juger et purifie-le de tout ce qui pourrait le souiller, à commencer par le shirk. Purifie ton cœur de toute forme de polythéisme. Aie conscience que les gens ne peuvent être d'aucun profit si tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'en aucun cas ils ne pourront te sauver du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu obéis à Allah subhanahu wa ta'ala, nul parmi les gens ne pourra te récompenser pour cette œuvre. Car celui qui apporte la rétribution, celui qui récompense pour les actes, et celui qui protège du châtiment, ce n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi rechercher à travers tes œuvres et tes actions autre que la satisfaction de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala? Pourquoi chercher à travers une prière, à travers une bonne action, à travers une aumône, ou autre parmi les œuvres, à chercher à te rapprocher des gens, ou à récolter leurs éloges, leurs remerciements, ou je ne sais quoi? Ceci est une erreur. Et c'est pour cela que celui qui agit pour les gens, celui qui œuvre avec ostentation, qui accomplit une œuvre par laquelle on doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher des gens, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'éloigne de lui et éloigne de lui les gens. Il ne fait donc que s'écarter d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'écarter des gens. Et inversement, celui qui ne recherche que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui et rendra les gens satisfaits de lui. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre toi, alors il t'éloignera de lui et il mettra les gens en colère contre toi, wal'iyadu billah. Donc la grande leçon à retenir de ce hadith, et qu'il est nécessaire pour nous de sans cesse veiller à purifier nos cœurs, de revoir sans cesse nos intentions, et de s'écarter de tout ce qui s'oppose à la sincérité, s'éloigner de l'ostentation, s'éloigner de la recherche des compliments, s'éloigner de la recherche de la notoriété ou des éloges des gens, et ainsi de suite, et ne rechercher à travers nos œuvres que la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et également, ne pas s'arrêter aux apparences. Nombreux sont ceux, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, à avoir compris l'importance de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans leurs actes, à veiller à prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait, mais à omettre qu'il est nécessaire pour eux d'avoir dans leur prière une bonne intention et de ne faire cela que pour Allah subhanahu wa ta'ala et non pas pour se montrer devant les gens. Wallahu al-musta'an. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith et il a dit: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال D'après أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري كالله لأجري سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله Le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a été interrogé au sujet de l'homme qui combat par bravoure, celui qui combat par partisanisme et celui qui combat par ostentation. Lequel d'entre eux est sur le sentier d'Allah? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: Celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute est sur le sentier d'Allah. Muttafaqun alayhi. Ce hadith est reconnu authentique à l'unanimité, c'est-à-dire qu'il est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Donc dans ce hadith, une fois de plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente et nous encourage à la purification de nos intentions. En effet, il fut interrogé à ce sujet, au sujet de celui qui combat, selon différentes intentions, lequel est sur le sentier d'Allah? Est-ce celui qui combat par bravoure, celui qui est courageux, qui aime le combat, ou alors celui qui combat par partisanisme, que ce soit par esprit partisan pour son pays, sa tribu, sa nation, ou autre forme de partisanisme? Et celui qui combat pour se montrer par ostentation, lequel d'entre eux est sur le sentier d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu pour chacune de ces situations. Car il savait sallallahu alayhi wa sallam qu'il est possible qu'une personne combatte également pour de multiples intentions. Pour le butin par exemple, pour la richesse qui se trouve sur une terre ou autre chose semblable. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a directement orienté les gens vers la bonne intention. Et leur a dit: celui qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute, soit la plus élevée. C'est-à-dire pour que le culte soit voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour secourir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que le tawhid soit mis en pratique. Et pour mettre fin au polythéisme, c'est celui-là qui est sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez à travers ce hadith l'importance de l'intention une fois de plus. Car il est possible que des personnes fassent les mêmes œuvres, qu'ils combattent tous dans la même armée, mais qu'ils n'aient pas tous le même statut. Peut-être certains sont là pour un salaire, peut-être certains sont là par esprit partisan, d'autres sont là par ostentation, d'autres sont là pour se montrer, et ainsi de suite. Mais ceux qui sont sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont ceux qui sont présents pour que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un autre hadith et il a dit « وعن أبي بكرة نفيع ابن الحارث الثقفي رضي الله عنه » D'après Abu Bakr, نفيع ابن الحارث الثقفي قل لدغي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. Lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, c'est-à-dire pour se combattre, alors le tueur et le tué iront en enfer. Qultu, ya Rasulallah, hada al-qatil, fama balu al-maqtul. Abu Bakr alors dit, ô messager d'Allah, concernant le tueur, c'est évident. Mais qu'en est-il du tué? C'est-à-dire, qu'en est-il du tué? Pourquoi irait-il en enfer? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, il aspirait à tuer son compagnon. Muttafaqun alayhi. Reconnu authentique à l'unanimité, c'est-à-dire rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde et nous avertit contre les mauvaises intentions. On a vu jusqu'à présent l'importance d'avoir une bonne intention. Et que celui qui a une bonne intention peut être récompensé pour celle-ci, même s'il n'a pas les capacités d'accomplir l'œuvre dont il a eu l'intention. Et dans ce hadith, c'est l'inverse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique que la personne peut être châtiée en raison du fait qu'elle voulait, qu'elle désirait, qu'elle avait l'intention de commettre un péché, une mauvaise action. Donc cette mauvaise intention dans son cœur est la cause de son châtiment. Tu vois donc le danger de désirer le mal, le danger de désirer les mauvaises actions. Et nombreux sont ceux à se trouver dans cette situation, à vouloir faire le péché, à désirer le péché, mais ne le font pas car ils n'en ont pas les capacités. Sache que dans cette situation, il t'est inscrit une mauvaise action, wa la'iyadu billah. Mais dites sur ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lorsque deux musulmans se rencontrent avec leurs épées, se rencontrent pour se combattre, chacun sort son épée et ils veulent mutuellement se tuer. Et l'épée ici n'est qu'un exemple. Ce n'est pas l'épée qui est particulièrement visée, mais quelle que soit l'arme par laquelle ils tentent de se tuer, que ce soit une épée, un couteau, une arme à feu ou autre parmi les choses, même un caillou ou un bâton ou autre chose semblable. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que dans cette situation, le tueur et le tué iront en enfer. Donc Abu Bakr, il a compris que le tueur aille en enfer, car il vient de commettre ce grave péché, qui est de tuer un croyant volontairement. Et celui qui tue un croyant volontairement sans aucun droit, il n'y a pas de doute que il est sous la menace du feu de l'enfer. Mais ce qui attira l'attention d'Abu Bakr, c'est la situation de celui qui s'est fait tuer. Pourquoi va-t-il en enfer, alors qu'il s'est fait tuer? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a expliqué cela, il lui a dit, il aspirait à tuer son compagnon. Il désirait le tuer, lui aussi il avait l'intention de le tuer. Mais il s'est fait tuer avant de pouvoir tuer l'autre. Lui-même était venu avec son épée et l'avait levée. Mais l'autre a pris le dessus sur lui et l'a tué avant qu'il ne puisse le tuer. Il est donc mort avec l'intention du meurtre. Et c'est comme s'il avait tué son compagnon. Tu vois donc à travers cela le danger des mauvaises intentions. Étant donné qu'il avait cette mauvaise intention dans son cœur, il a été rétribué de la même manière que celui qui a fait le péché. Malgré qu'il n'ait pas pu le commettre. Mais du fait qu'il a été tué avant de pouvoir le commettre, alors il est rétribué en fonction de cette mauvaise intention. Et de la même manière, celui qui désire commettre un péché. Il désire voler, par exemple. Il se rend dans un magasin avec l'intention de voler un objet. Et quand il arrive dans ce magasin, il se rend compte par exemple qu'il y a des caméras, ou que cet objet est protégé par une alarme, ou qu'il y a des gens qui le regardent. Alors il ne peut pas voler. Il sort de ce magasin et délaisse ce vol. Pourquoi? Car il n'a pas pu atteindre son objectif. Mais celui-ci lui inscrit une mauvaise action. Car ce qui l'a empêché de commettre le péché, ce n'est pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas la peur du châtiment, mais c'est la peur des gens et la peur de se faire prendre. Donc, il lui a inscrit le péché de cette mauvaise intention. Nous devons donc prendre garde à cela et avoir conscience que les péchés, nous ne devons les délaisser que par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non pas par crainte des gens, non pas par crainte de se faire prendre, non pas par crainte d'avoir une mauvaise réputation, mais seulement par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui délaisse le péché par crainte d'Allah, c'est lui qui est récompensé. Quant à celui qui le délaisse par crainte des gens, par crainte de se faire prendre, ou autre chose semblable, alors celui-ci lui est inscrit la mauvaise action en raison de cette mauvaise intention. Il est donc nécessaire pour chacun d'entre nous de veiller à purifier son cœur et à aimer le bien et à avoir de la répulsion pour le mal et les péchés. Ne pas désirer les péchés, ne pas être attiré par les péchés, mais les réprouver car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'auteur de ces péchés. Donc, comment peux-tu être attiré et aimer une chose dont Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas l'auteur? Tu dois craindre d'être l'auteur de cette chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste, et tu dois plutôt faire des efforts pour aimer ce qu'Allah aime. C'est ainsi que doit être le croyant. Il doit aimer le bien et les bonnes actions, et détester les péchés et les mauvaises actions. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la suite des hadiths dans le cours de demain, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.